Martin Lecher, chef du cercle suisse d'études des idées du Juche, a exprimé le 1er octobre sa certitude que l'armée et le peuple coréen créeront le miracle en changeant le mal en bien dans la réparation des dégâts causés par l'inondation dans la province du Hamgyong du Nord.